franceinter.com. Il faut couper la tête du serpent. Ainsi se serait exprimé le roi Abdallah d'Arabie Saoudite devant un conseiller de la Maison Blanche, le serpent étant, dans l'esprit du monarque, l'Iran de Mahmoud Ahmadinejad. C'est l'une des révélations des documents Wikileaks. Mais, à vrai dire, personne ne doutait de l'hostilité des Saoudiens et plus généralement de tous les pays arabes du Golfe à l'encontre de l'Iran. Une hostilité qui tourne même à l'obsession. Et c'est bien sûr la perspective de voir bientôt Téhéran posséder l'arme nucléaire qui explique cette violente animosité. L'Arabie Saoudite, au moins autant qu'Israël, voudrait donc que les États-Unis utilisent les grands moyens pour anéantir le potentiel nucléaire iranien. Mais à Washington, officiellement, on s'en tient pour l'instant à la politique des sanctions économiques pour inciter Téhéran à renoncer à ses ambitions nucléaires. Ce qui ne veut pas dire que les Américains, et pas seulement eux, n'utilisent pas d'autres armes contre l'Iran. En réalité, M. X l'affirme, c'est une véritable guerre de l'ombre qui est menée par la plupart des services secrets occidentaux. Une guerre où tous les coups sont permis, y compris les assassinats. Mais c'est aussi une course contre la montre, car l'Iran est peut-être à deux doigts de pouvoir fabriquer sa bombe. دریا کنم و صبر به صحرا فکنم یا صحرا فکنم و در این کار و در این کار دل خیش به دریا فکنم یا Je vous parlais la semaine passée de la Corée du Nord et de l'apparente imprévisibilité de sa politique. Oui, la Corée du Nord qui, on l'a vu, alterne provocations et déclarations d'apaisement. Et qui se sert très habilement de la peur qu'elle inspire. Eh bien, l'Iran n'en use pas autrement. Un jour, le président Ahmadinejad annonce que son pays a le droit de posséder l'arme nucléaire et le lendemain, il affirme être prêt à négocier avec les instances internationales. Et donc à renoncer à se doter de la bombe atomique. Ça ne trompe personne. L'Iran veut la bombe et la construira si on ne l'empêche pas. Et si je ne veux pas défendre Ahmadinejad, mais il a quand même beau jeu de dire qu'il y a en l'espèce deux poids, deux mesures. Un autre pays de la région possède, depuis longtemps, l'arme nucléaire. Et la communauté internationale ne semble pas s'en soucier. Israël. Bien sûr, enfin ouais. Passons. Encore un mot sur la Corée du Nord. Vous savez qu'il existe un axe Pyongyang-Téhéran ? Oui, l'axe du mal, hein, comme disait George Bush. Oui, et pour une fois, l'ex-président états-unien disait vrai. Car les deux pays coopèrent dans le domaine nucléaire et la Corée du Nord vient même de livrer à l'Iran des missiles balistiques à longue portée. Une livraison qui inquiète beaucoup les Occidentaux. Enfin, refermons la parenthèse. La question est donc celle-ci. Comment faire en sorte d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire ? Y a d'abord la méthode des sanctions économiques. Des sanctions qui ont été renforcées en juillet 2010 par l'Union européenne, oui. Et pour la première fois, le secteur gazier et pétrolier est concerné par ces sanctions. C'est le point le plus sensible. L'Iran est en effet le quatrième producteur mondial. Mais paradoxalement, le pays doit importer de l'essence car il ne possède pas d'installation de raffinage suffisante. Toutefois, cette volonté d'asphyxier l'Iran ne pourrait être efficace que si d'autres États s'associaient à ce régime de sanctions. Or, la Russie, la Chine, mais aussi le Brésil ou la Turquie ne veulent pas en entendre parler. Ouais, ils veulent faire des affaires. Conclusion, il faut trouver autre chose. Et c'est là où intervient la guerre secrète. Et ça commence par la récolte de l'information sur le programme nucléaire iranien. Or, dans un État aussi fermé, ce n'est guère évident de recueillir des informations fiables, même si ponctuellement les services de renseignement peuvent compter sur la coopération d'opposants qui continuent clandestinement à résister. Ouais. Question préalable, qui sont ces services de renseignement ? Sans surprise, on peut désigner la CIA et les autres agences américaines, mais les Britanniques, les Allemands et les Français aussi jouent leur partie. Et également, bien entendu, les Israéliens, car avec les monarchies du Golfe, ils sont les premiers à avoir peur de la bombe iranienne. Ouais. Et tous ces services-là collaborent entre eux ? Oui, ils échangent généralement leurs informations. Alors, dans la panoplie des méthodes utilisées, il y a d'abord la surveillance exercée par les satellites espions. Une surveillance très efficace, je vous explique. En 2003, en analysant des photos prises par le satellite Helios, des spécialistes de notre service de renseignement, la DGSE, repèrent de nouvelles installations dans la montagne de Qom, mais ne savent pas encore à quoi ces bâtiments peuvent servir. Ouais, il faudrait aller voir de plus près. Ce serait effectivement une visite au sol qui permettrait d'en savoir plus. Mais en attendant, les gens de la DGSE confrontent leurs images avec d'autres photos satellites prises par les Américains. Et déjà, ils soupçonnent que ces constructions discrètes implantées dans la montagne ont quelque chose à voir avec le programme nucléaire iranien. Mais vous avez raison, seule une inspection sur le terrain pourrait confirmer ou infirmer ce soupçon. Et c'est le Mossad qui va s'en charger. Les Israéliens. Et comment, alors ? Vous pensez bien que le Mossad n'a pas crié sur les toits la façon dont il a procédé, mais d'après ce qu'on a pu savoir, le service israélien aurait réussi, et ce n'est pas un mince exploit, à recruter une taupe dans le personnel qui travaillait sur ce site. Et cet homme va même prendre le risque de photographier l'intérieur de ce mystérieux complexe industriel. Conclusion ? Le soupçon se renforce. La destination de ces installations semble bien être l'enrichissement d'uranium. Mais la preuve formelle n'a toujours pas été apportée. Et il faut attendre 2007 pour qu'enfin la vérité se fasse jour. Et c'est un autre service de renseignement qui ajoute la pierre finale. Lequel, là ? Le MI6 britannique. Et là encore, c'est une taupe qui a été utilisée. Un homme qui a fourni le détail de toutes les commandes de matériel destinées à équiper ce site. Tuyauterie, valve, instruments de mesure, etc. Et cette fois-ci, il ne peut plus y avoir de doute. L'Iran est en train de construire un deuxième complexe clandestin, celui-là, d'enrichissement de l'uranium. Oui, car il en existe déjà un qui est connu. Hein. Un Natanz, oui. Ouais. On a donc la preuve, alors que faire ensuite ? Services et gouvernements se concertent. On est alors à l'été 2009. À Paris, on est enclin à rendre tout de suite l'information publique afin de dénoncer la duplicité iranienne. Mais il se produit un événement dramatique. La taupe britannique est découverte et sans doute aussitôt exécutée. Le Mossad, qui craint alors pour la vie de sa propre taupe, demande que l'annonce de l'existence de ce deuxième site d'enrichissement soit momentanément ajournée, en attendant que son agent puisse être exfiltré d'Iran. Et ça va être le cas ? Effectivement. Et fin septembre, les dirigeants occidentaux réunis à Pittsburgh peuvent dénoncer l'existence de ce site nucléaire secret de la montagne de Qom. Réaction de Téhéran. Quelques jours plus tard, et ça ressemble à un aveu, les autorités iraniennes annoncent que plusieurs employés travaillant dans le nucléaire ont été recrutés par les services occidentaux. démasqués, ils ont été accusés de haute trahison et condamnés à mort. Mmh. Il y aurait donc eu d'autres taupes que celles que vous avez mentionnées. En effet. Et le service pionnier en la matière a été le BND allemand. Ce n'est pas un hasard, car les industriels allemands ont régulièrement vendu du matériel à Téhéran. Ouais, du matériel destiné à équiper les installations nucléaires. Exactement. Mmh. En particulier le site de Natanz. Alors, dès 2002, le BND recrute un homme d'affaires iranien qui sert d'intermédiaire dans ce commerce. Et l'homme va donner au BND de précieux renseignements sur Natanz et les recherches nucléaires iraniennes en vue de construire la bombe. Oui, c'est-à-dire sur l'enrichissement d'uranium. C'est ça. Mais 2 ans plus tard, le service du contre-espionnage démasque cette taupe. Heureusement, sa femme, sans doute avec l'aide du BND, réussit à s'enfuir avec l'ordinateur de son mari, sur lequel celui-ci a transcrit un bon millier de pages sur le programme nucléaire de Téhéran. Pas très prudent. C'est vrai, mais cet Iranien pensait sans doute que toutes ces informations secrètes lui permettraient d'obtenir l'asile politique en Allemagne. Un marchandage. Mmh. Mais ça veut dire en tout cas que dès 2004, les Occidentaux savent à quoi s'en tenir sur les intentions du gouvernement iranien. Et l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, est naturellement informée. Il faut d'ailleurs noter que c'est en 2004 que le Conseil de sécurité de l'ONU se saisit de la question et menace l'Iran de sanctions s'il n'est pas mis fin immédiatement à son programme d'enrichissement de l'uranium. Mais Téhéran n'obtempère pas. Eh bien au contraire, tout en affirmant à maintes reprises être ouvert à la négociation, les Iraniens mettent les bouchées doubles et installent de nouvelles centrifugeuses. Cette obstination va pousser les services de renseignement occidentaux, essentiellement la CIA avec l'assistance du Mossad, a lancé une véritable entreprise de recrutement systématique de taupes iraniennes. Mais comment ont-ils agi là ? Ces services ont établi une liste de défecteurs possibles. Selon quels critères ? Ils ont choisi en priorité des Iraniens qui avaient déjà eu des rapports avec l'Occident. Du temps du Shah. Naturellement. À cette époque, les liens entre les services états-uniens et iraniens étaient très étroits. Et on pouvait penser que ça avait laissé des souvenirs, ou au moins des traces. Autre facteur qui pouvait pousser un homme à trahir, c'était son éloignement des premiers cercles du pouvoir. Des hommes qui pouvaient donc être tentés de se venger. Et c'est à partir de ces critères que CIA et Mossad associés vont réussir à recruter un très gros poisson. Rendez-vous avec X. Confirmation de cette mobilisation des services de renseignement occidentaux dans un excellent article d'Henri Guirchoun et Vincent Jauvert, paru dans un numéro récent du Nouvel Observateur, je cite. Tous les services occidentaux mènent une guerre secrète très active contre le programme atomique iranien. Depuis la découverte du site de Natanz en 2002, c'est pour eux une mission prioritaire. Dans son dernier livre, le journaliste Bob Woodward révèle la liste des opérations clandestines commanditées par l'administration Bush est toujours en cours. Elles sont classées par ordre d'importance. Les actions de la CIA visant à stopper ou à gêner les activités nucléaires de la République islamique arrivent en deuxième position, juste derrière les actions contre Al-Qaïda. Même chose au MI6 britannique. Le 28 octobre, son patron, Sir John Sowers, est sorti de sa réserve légendaire justement pour parler de l'Iran. Le maître espion a fait sensation en déclarant publiquement qu'il était nécessaire de mener des opérations conjointes de services de renseignement pour rendre plus difficile à Téhéran le développement de l'arme nucléaire. Au nom de cette mission historique, c'est l'union sacrée de tous les agents secrets. Alors ce gros poisson. Il s'agit d'un général, Ali Reza Asghari, un personnage éminent. Pour vous en convaincre, il suffit de vous donner quelques éléments de son pédigré. Mais vous vous rappelez peut-être que j'ai déjà évoqué sa carrière et sa personnalité. Asghari, c'est à propos de la Syrie. Et du bombardement par l'aviation israélienne du site d'Al-Kiba. Un site qui aurait abrité des installations nucléaires secrètes. Eh bien, selon toute vraisemblance, c'est le général iranien Asghari qui a informé les services occidentaux de l'existence de ce site. Quel service ? Oh, la CIA, à peu près certainement, mais aussi le Mossad. Toutefois, les agents israéliens seraient arrivés masqués. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pour ne pas effaroucher Asghari, ils ont sans doute prétendu travailler pour un service de renseignement européen, le BND, par exemple. Alors, pardon si je me répète un peu, un mot sur la carrière de cet important personnage du régime iranien. Sachez d'abord que dans les années 80, Asghari est le chef des gardiens de la révolution iranienne présent au Liban. Ouais, les Pasdaran. Et à ce titre, il a noué des relations privilégiées avec le Hezbollah qu'il a contribué à créer. Et il avait des liens étroits avec le responsable militaire du mouvement, Imad Mognier. Ouais, un homme qui a été assassiné en 2008 Syrie. Ouais. Très vraisemblablement par une équipe du Mossad. Au Liban, Asghari a donc été mêlé de très près à tous les mauvais coups perpétrés par l'organisation dans les années 80. Les prises d'otages d'occidentaux et les terribles attentats de 1983 contre les QG militaires états-uniens et français. Ouais, d'autant qu'on sait aujourd'hui que les vrais commanditaires se trouvaient à Téhéran. Ouais, ils connaissaient donc aussi toutes les filières d'approvisionnement en armes du Hezbollah. Des armes fournies la plupart du temps par l'Iran et qui passaient par la Syrie. De retour à Téhéran, Asghari poursuit son ascension chez les Pasdaran et il est nommé vice-ministre de la Défense. Un dignitaire du régime, donc. Et surtout, un homme détenteur de toute une série d'informations très sensibles. Alors pourquoi ce dirigeant va-t-il être amené à trahir là? Pour quelle raison? Difficile à dire, car l'affaire reste encore bien mystérieuse. Mais quand on occupe un poste aussi prestigieux, il faut un mobile sérieux. Et à mon avis, il ne peut s'agir que d'un important différend d'ordre politique sur fond de corruption. Soyez plus précis quand même. Vice-ministre de la Défense, Asghari a été chargé des affaires logistiques et des achats militaires. Ouais, secteur capital. Et susceptible de donner lieu à de nombreuses malversations. À commencer par ces pots de vin qu'on appelle plus pudiquement des commissions. Asghari aurait été lui-même compromis dans l'une de ces affaires? À moins qu'au contraire, il n'ait découvert des faits de corruption et qu'il ait voulu y mettre fin. Mais c'était risqué, parce que dans ce cas, il a dû mettre en cause quelques puissants. Oui, des dirigeants. Et quelques dignitaires religieux bien en place, qui se sont copieusement remplis les poches. Ce qui lui a valu d'être peu à peu écarté des premiers cercles du pouvoir les plus corrompus. Ce futur traître serait donc peut-être un homme intègre? Il en avait en tout cas la réputation. Et dans cette hypothèse, alors, cette trahison serait donc aussi un acte de vengeance? Ça me paraît tout à fait vraisemblable. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Mais il est arrivé un moment où, après l'élection d'Ahmadinejad en 2005 et la radicalisation du régime, le général Asghari a senti que sa position devenait de plus en plus précaire et qu'il risquait même un jour ou l'autre d'avoir affaire à la police secrète du régime, la redoutable VEVAC. Il a donc demandé à ses correspondants occidentaux d'organiser sa défection. Sa fuite à l'étranger. En février 2007. Une opération délicate, car Asghari ne voulait pas laisser sa famille derrière lui. Mais la peur qu'on s'en prenne à ses proches après sa fuite. Évidemment. Or, selon certaines sources, Asghari avait deux femmes et il voulait mettre à l'abri pas moins de 10 membres de sa famille, dont ses fils. Par conséquent, il a fallu procéder habilement pour exfiltrer tous ces gens sans donner l'éveil. Et Asghari a été le dernier à quitter l'Iran? C'est très probable. Il a prétexté un voyage d'affaires pour se rendre à Damas. Puis il s'est envolé vers Istanbul, où une chambre d'hôtel payée en liquide lui avait été réservée sous un faux nom. Et à partir de là, il a purement et simplement disparu. Et alors, où se trouverait-il aujourd'hui? Peut-être en Israël. Pour les autorités iraniennes, en tout cas, c'est un coup dur. Alors naturellement, les Iraniens ont expliqué à leur manière la défection d'Asghari, et ils ont prétendu que le général avait été enlevé par des agents du Mossad. Ça, c'est assez classique. Enfin, pour en venir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, là, que savait ce général du programme nucléaire iranien? Le général n'était pas un scientifique. Donc, il ne pouvait pas fournir de renseignements crédibles sur la technologie utilisée par les savants de son pays. Mais il n'est certainement pas parti les mains vides. Il emportait des dossiers. Je le pense. Et aussi des cartes. En outre, dans un autre domaine, celui des missiles, il détenait des informations précieuses. et en particulier sur la coopération avec la Corée du Nord. Mais je voudrais vous parler d'une autre défection très curieuse. Une défection qui n'en est d'ailleurs peut-être pas une. Bah, expliquez, là. Shahram Amiri est un physicien nucléaire. Fin mai 2009, il effectue un pèlerinage à la Mecque. Des agents saoudiens en profitent pour lui poser quelques questions. Trois jours plus tard, il quitte son hôtel et ne réapparaît pas. Alors, que s'est-il passé ? Ben, il n'y a que deux hypothèses. Ou bien le scientifique a fait défection, ou bien il a été enlevé. Et à Téhéran, bien sûr, les autorités privilégient la thèse du kidnapping et cinq mois après la disparition d'Amiri, elles accusent les Américains. Ceux-ci répliquent ? Pas du tout. Ils observent le plus grand silence. Mais en mars 2010, une chaîne de télévision états-unienne révèle que le savant a fait défection et collabore désormais avec la CIA. Il aurait livré des informations de première main sur le programme nucléaire iranien. Cependant, c'est la suite qui est étrange. Au mois de juin, la télévision iranienne diffuse l'interview d'un homme qui prétend être Amiri et affirme avoir été enlevé et conduit aux États-Unis où il serait séquestré. Ah oui, mais séquestré, alors dans ces conditions, on voit mal comment il aurait pu être interviewé. Oui, ça je suis d'accord. Mais le même jour, on peut voir sur un site internet une vidéo où un homme ressemblant à Amiri déclare vivre librement aux États-Unis. Compliqué, c'est une véritable guerre de l'information. Et ce n'est pas fini. Fin juin, Amiri reparaît sur les écrans de la télévision iranienne. Il annonce qu'il a échappé à ses geôliers. Et peu de temps après, on apprend qu'il s'est réfugié à l'ambassade pakistanaise et qu'il demande à être rapatrié. Et effectivement, à la mi-juillet, il va regagner l'Iran où on l'accueille triomphalement. Alors, votre explication ? Dans cette affaire très embrouillée, on ne peut faire que des suppositions. Si réellement, comme il le prétend aujourd'hui, Amiri a été enlevé par la CIA, il est difficilement concevable qu'il ait pu s'échapper. Ouais. D'accord, mais les Américains, ayant obtenu les informations qu'ils désiraient, auraient pu le relâcher. Ah oui, mais ça signifierait qu'il ait parlé. Dans ce cas, pensez-vous qu'il n'aurait rien eu de plus pressé que de partir pour Téhéran où on pouvait lui demander des comptes ? Autre hypothèse, Amiri a fait librement défection. Toutefois, inquiet pour sa famille, sur laquelle les services iraniens auraient pu se venger, il aurait choisi de revenir dans son pays. Oui, mais enfin, dans ce cas, je ne vois pas pourquoi on l'aurait accueilli triomphalement. C'est exact. Mais il faut aussi faire la part de la propagande. On le reçoit avec des fleurs et ensuite, on s'occupe sérieusement de lui. Cependant, il y a une troisième hypothèse, celle de la manipulation. Amiri était peut-être un faux transfuge. Une opération iranienne de désinformation ? Pourquoi pas ? Moi, ça me rappelle l'histoire de Yurchenko, le transfuge soviétique qui a fait en 1985 un aller-retour aux États-Unis où il a donné aux Américains des renseignements sans grande importance avant de regagner l'URSS. Et donc de ridiculiser les services américains. Enfin, là, je n'insiste pas car nous en avons déjà parlé à de nombreuses reprises. Enfin, il faut dire que, vraie défection ou pas, d'autres savants ont suscité l'intérêt des services américains ou israéliens. Fin 2009, un scientifique iranien est capturé en Géorgie. Et en avril 2010, un autre savant iranien a rejoint l'Ouest grâce au Mossad. Cependant, je voudrais maintenant aborder un aspect plus brutal de l'action des services occidentaux visant à ralentir le programme nucléaire iranien. C'est-à-dire ? Eh bien, quand on ne peut pas amener les scientifiques à trahir, on les supprime. C'est plus radical, mais très efficace. Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Encore un mot sur le général Asghari, la plus grosse prise iranienne effectuée par les services occidentaux. J'emprunte ces quelques lignes au journaliste Georges Malbruno. Voici ce qu'il écrit en 2007 dans Le Figaro. Asghari connaît de nombreux secrets sur les vols Téhéran-Damas qui acheminent les armes iraniennes au profit du Hezbollah, affirme Magnus Ranstorp, spécialiste norvégien du Hezbollah. Sa défection pourrait fournir aux Américains, et indirectement aux Israéliens, une bonne connaissance des stocks d'armes du Hezbollah, voire de leur localisation, ainsi que sur la chaîne d'utilisation. Autant d'informations qui ont cruellement manqué aux Israéliens à l'été 2006 dans leur guerre contre la milice chiite. Asghari peut aussi aider à identifier les hommes clés de la relation stratégique entre l'Iran et le Hezbollah, ceux qui sont tenus par l'Iran et ceux qui sont plus réticents face à Téhéran et donc potentiellement intéressant pour des services de renseignement. Selon Magnus Ranstorp, son nom a été cité dans l'attentat à Beyrouth contre les Marines américains en 1983, 243 morts. Asghari devrait être capable d'éclairer certaines modalités jamais vraiment élucidées, dit encore l'expert. Vous annonciez donc une campagne d'assassinat, c'est bien ça? Oui. Alors, quelques faits. Fin 2007, un scientifique iranien de haut vol, Ardeshir Asampour, est retrouvé mort à son domicile. Il aurait été empoisonné. Puis, en janvier 2010, Massoud Ali Mohammadi, un professeur de physique nucléaire, est tué à Téhéran dans l'explosion d'une moto piégée, un mode opératoire qui va être utilisé par les tueurs à deux reprises, en novembre. De quoi s'agit-il? On appelle IED, un acronyme anglo-saxon pour dispositif explosif improvisé, une petite charge creuse qui peut se coller grâce à un aimant sur une surface métallique. Alors écoutez bien, dans la matinée du 7 novembre dernier, le docteur Majid Shariari, accompagné de son épouse, se rend en voiture à l'université où il travaille. Qui est-ce? Cet éminent scientifique dirige une équipe chargée de concevoir la technologie d'un cœur de réacteur nucléaire. Preuve de son importance, il dispose d'une voiture avec chauffeur. Au moment où le véhicule traverse un parc de stationnement situé au nord de Téhéran, deux motos surgissent. Elles encadrent l'auto. Et soudain, le passager de l'une d'elles sort un petit objet d'un sac et le colle sur la portière arrière près du siège de Shariari. C'est l'un de ces IED, là. Bien sûr. Puis les motos accélèrent et s'éloignent. Quelques instants plus tard, c'est l'explosion. Le savant est tué sur le coup. Mais sa femme et son chauffeur ne sont que blessés. La charge n'était donc destinée qu'à supprimer le docteur Shariari. Et lui seul. Un engin très sophistiqué. Le véhicule a subi un minimum de dégâts. Mais le même jour, un autre IED va être utilisé. Fededun Abbasi est lui aussi associé à l'élaboration du programme nucléaire de son pays. Mais il occupe également un rang élevé dans l'organigramme des Pasdaran. Ce matin-là, accompagné de sa femme, comme Shariari, il se rend à l'université où il travaille. Seule différence, Abbasi n'a pas de chauffeur, sinon le scénario est le même. Ouais, les deux motos et puis la pose de l'IED, là. Sur la portière, côté conducteur, oui. Mais Abbasi s'est-il rendu compte de quelque chose? En tout cas, il arrête son auto, en fait le tour, demande à sa femme de descendre et s'écarte. Et quand l'engin explose, il se trouve à 2 mètres de l'auto. Ouais. Il est blessé? Oui, seulement blessé. Ouais. Alors, quelles leçons en tirer, là? Perpétrer 2 attentats semblables le même jour et avec des bombes aussi perfectionnées ne peut être le fait que d'un service secret bien structuré. Et vous pensez à qui? Bon, aux Israéliens, bien sûr, mais sans disposer de preuves. En tout cas, je pense que les tueurs ont vraisemblablement bénéficié de complicité sur place, ne serait-ce que pour la préparation des 2 attentats. Des opposants clandestins? C'est évident. Car dans une ville aussi fermée et surveillée que Téhéran, seuls des Iraniens pouvaient préalablement effectuer des filatures et les repérages nécessaires. Tout à fait autre chose maintenant. Dans la panoplie des services de renseignement occidentaux, on trouve aussi des opérations moins meurtrières, mais tout aussi efficaces. Quoi? Ben, il s'agit d'assécher les approvisionnements indispensables à l'Iran pour construire sa bombe. Le matériel, les pompes, les tubes... Oui, tout ça. Ce qu'il faut pour assembler ces centrifugeuses qui enrichissent l'uranium. Et pour poursuivre cet objectif, les agents secrets ont dû faire preuve d'imagination. Ils ont, par exemple, créé de fausses sociétés commerciales pour piéger les acheteurs iraniens. Ou alors, ils ont fait en sorte que le matériel livré à Téhéran soit saboté. Ouais, ça me rappelle l'affaire de la famille Tiner, là. Ces Suisses qui ont longtemps fourni des pompes à vide aux Iraniens. Hein. Avant de tomber dans la main des Américains. Oui, vous avez tout à fait raison. Ailleurs, les services secrets ont exercé d'intenses pressions sur les industriels sollicités par les Iraniens. Des pressions ou des menaces ? Bon, ça dépend du point de vue où l'on se place. Mais au moins, en une occasion, le sabotage a été effectué à l'intérieur même des frontières iraniennes. Une affaire très récente qui est toujours auréolée de mystère. Je vous raconte. Téhéran a implanté une base secrète dans une région très escarpée, près de sa frontière occidentale. Nommée Imam Ali. Cette installation, creusée dans la montagne, abrite des rampes de missiles et elle est placée sous la garde des brigades Al-Adid, des unités spécialisées de Pastara. Une zone très surveillée, non ? Et pratiquement inattaquable, car elle comprend surtout des galeries souterraines. Or, le 12 octobre 2010, la base a été en partie détruite par une violente explosion suivie d'un gigantesque incendie alimenté par les stocks de munitions et d'ogives entreposés là. Téhéran a reconnu le fait ? Oui, et il a été fait mention d'une explosion accidentelle qui aurait entraîné la mort de 18 soldats. Accidentelle ? Oui, mais cette explication n'est guère plausible. Tout comme le nombre des victimes qui a sans doute été minoré pour des raisons évidentes. Je veux bien, mais enfin, si cette explosion... n'a pas été accidentel, il aurait fallu que des agresseurs pénètrent dans ce site ultra surveillé. C'est assez difficilement imaginable. C'est pourquoi je pense que l'attaque n'a pas eu lieu de l'intérieur, mais à l'extérieur de la base. Ce qui signifie alors ? Je pense à un bombardement aérien. Qui aurait pu détruire une base souterraine ? Les Israéliens ont été assez récemment dotés de nouvelles bombes américaines qui ont été justement conçus pour venir à bout des installations souterraines. Oui, encore les Israéliens. Eh oui, parce qu'ils avaient de bonnes raisons pour anéantir cette base qui les menaçait directement. Les missiles à triple ogive qui étaient positionnés possédaient en effet une portée qui leur permettait de frapper directement le territoire israélien. Il s'agissait d'une version améliorée du lanceur Shahab 3, déjà expérimenté avec succès par Téhéran. Mais ici trouvaient peut-être aussi quelques-uns de ces missiles balistiques récemment livrés par la Corée du Nord. Ouais. Pour les Israéliens, il y avait donc urgence à détruire cette base. Et une base qui ne se trouvait qu'à un peu plus de 1000 km des frontières de l'État hébreu. Ne serait-ce pas une sorte de répétition des frappes qu'Israël brûle d'entreprendre sur les sites nucléaires iraniens ? On peut le penser. Et si Israël n'est pas encore passé à l'action, c'est que Washington a tout fait pour s'y opposer. Mais combien de temps les Israéliens patienteront-ils encore ? Ça, on ne sait pas. En tout cas, pour revenir à cette destruction de la base Imam Ali, il n'existe bien entendu aucune preuve de l'implication israélienne. Seulement des soupçons. Est-ce que dans la panoplie des mesures mises en œuvre par ces combattants de l'ombre, là, vous comptez aussi des attaques informatiques ? Vous pensez à ce virus qui a infecté les sites nucléaires iraniens ? Oui, évidemment, Stuxnet, je crois. Hein. C'est en effet le nom que les Biélorusses, les premiers à l'avoir découvert en juin 2010, lui ont donné. Ce ver, c'est ainsi qu'on appelle ce genre de virus, a une propriété très spécifique. Il s'insinue dans les systèmes de pilotage des complexes industriels et il dérègle les moteurs électriques en modifiant leur fréquence de rotation et leur vitesse. Bien entendu, je simplifie. Mais la conséquence, c'est que ces moteurs devenus fous peuvent endommager les matériels qu'ils équipent. Ouais. Et les installations nucléaires iraniennes ont été durement touchées. Hein. Surtout les centrifugeuses qui servent, comme vous le savez, à enrichir l'uranium et tournent extrêmement vite. Et le site de Natanz, où fonctionnent des milliers de ces engins, a été particulièrement affecté. Mais aussi la première centrale nucléaire civile iranienne, celle de Bushehr, qui est entrée en fonction seulement en novembre 2010. Mais le virus Stuxnet n'a pas touché uniquement l'Iran. C'est vrai, mais 60% des machines infectées se trouvent en Iran. Alors on peut penser à une attaque dirigée spécifiquement contre l'Iran ? Évidemment. Avant de voir alors d'où peut bien venir ce virus-là, quelles ont été les conséquences pour l'Iran et ses travaux en matière nucléaire ? Les dégâts ont été considérables. Pour l'AIEA, la moitié des centrifugeuses de Natanz a été mise hors service. Et Téhéran a reconnu avoir été frappé ? Du bout des lèvres, oui, et en minimisant l'importance de l'attaque. Voilà. Seconde question, d'où vient Stuxnet ? Ah, il est tentant de penser que ce virus destructeur et extrêmement sophistiqué a été inventé par un État hostile à l'Iran. Ouais, dans ce cas-là, on retrouve toujours les mêmes, hein, Israël, les États-Unis. Principalement, mais d'autres services auraient pu agir. En France aussi, la DGSE a une cellule de recherche informatique, à la fois pour prévenir une cyberguerre et pour passer éventuellement à l'attaque. Et si on a cru à l'intervention d'un service de renseignement, c'est que la mise au point d'un tel virus destructeur nécessite de longues études et donc beaucoup d'argent. Ce n'est donc pas à la portée du premier venu. Et c'est pourquoi on a pensé à un État, mais personnellement j'ai des doutes. Alors pourquoi ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste, mais les gens que j'ai consultés m'ont affirmé qu'un pirate, un hacker très doué, pouvait être à l'origine de l'invention d'un tel virus. Un hacker ou plusieurs hackers qui auraient travaillé ensemble. À moins qu'un fabricant d'antivirus n'ait décidé, pour vendre ses produits, de créer et diffuser le virus. Oui, je veux bien vous croire là, mais pourquoi l'Iran aurait-il été spécifiquement touché ? Il existe une explication assez simple. Les appareils iraniens des sites nucléaires ne sont pas reliés à Internet. Mais leurs systèmes de pilotage ont été tous conçus par l'allemand Siemens. Est-ce qu'il ne faut pas voir là la source de la diffusion du virus ? Chez Siemens, non. Il suffit d'une clé USB infectée pour contaminer tout le système informatique interne d'une entreprise. Et puis, écoutez, je crois vous avoir démontré tout au long de cet entretien que je n'exonérerai nullement Israël dans l'exécution des manœuvres de sabotage et d'assassinat. Mais quand je lis dans le rapport d'un prétendu spécialiste que Stuxnet est d'origine israélienne parce qu'on aurait trouvé dans son code le nom d'Esther, l'héroïne juive qui a combattu l'Empire perse, j'ai vraiment de gros doutes quant au sérieux de cet individu. Ouais. Je crois que vous avez raison. Mais pour finir, est-ce que vous pensez que cette guerre secrète a réussi non pas à dissuader les Iraniens de fabriquer leurs bombes, mais au moins à ralentir leurs travaux ? À Washington, on a tendance à le penser. Mais les Israéliens sont d'un tout autre avis. Ils croient même que le moment est très proche où Téhéran possédera sa première arme nucléaire. C'est pourquoi ils continuent à réclamer un feu vert des Américains. Ouais, pour bombarder les sites iraniens. Au risque de déclencher une déflagration difficilement contrôlable, oui. Un livre pour éclairer cette ténébreuse affaire géopolitique de l'Iran de Bernard Ourcade, et c'est paru chez Armand Collin en 2010. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et peut-être même la podcaster. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou qui la réalise chaque semaine et à Monsieur Djoumb qui la met en musique. Et tout de suite après le flash, un peu de verse de Mon amour de Denis Chessou.